pitre des destins, ô toi de la puissance, remplis l'immensité des cieux. Dieu souverain, j'ai puni comme toi le crime audacieux, comme toi j'ai vengé la timide innocence. De ton sang qui mortel, suis-je digne à tes yeux? Arbitre des destins, ô toi, Dieu. Thank you. C'est malheur, dans un humble esclavage, et ça c'est qu'elle vive. Le ciel l'a mise au rang des rois. Mon fils, du diadème, il faut s'adresser sa tête, et pour la couronner. Je vous remets ma conquête. Mon père, ah, c'est bien femme plus chère que le jour. Enfin, je reconnais Alcide, la vertu dans mon cœur te devra son retour. Et sans l'amitié qui me guide, je me laissais encore égaré par l'amour. Avant de quitter ce rivage, allons à Jupiter présenter notre hommage. Viens, Lycas, porte-moi ce voile précieux. Je m'en revêtir pour un plus digne usage que pour sacrifier.